c'est l'éternel souffle de ma chanson. Voici donc qu'elle s'appelle tout simplement Anne Chapelle, c'est à l'aube. C'est à l'aube, c'est à l'aube, on achève les blessés, qu'on réveille les condamnés qui ne reviendront jamais. C'est à l'aube, c'est à l'aube, à l'heure triste où le jour point, qu'on regarde son destin dans les yeux. À la croisée des chemins, les hommes crispent leurs poings pour l'adieu. C'est à l'aube, c'est à l'aube de demain. Mais à l'aube, c'est à l'aube que se meurent les amours, que l'on renie les toujours. Va se lever le jour, c'est à l'aube, c'est à l'aube, à l'heure triste où le jour point, qu'on se blottit dans un coin malheureux. C'est l'heure où ma pauvre main cherche vainement ta main d'homme heureux. C'est à l'aube, c'est à l'aube de demain. Mais à l'aube, renaissent tous les espoirs et l'amour des grands départs vers des pays de hasard. Mais à l'aube, mais à l'aube. J'ai le monde dans ma main, ah mon Dieu, car c'est l'aube, c'est demain. Voici donc Serge Reggiani, on s'aime. Ces deux azous sur la photo, fiers devant leur premier retour, voyage de noces à Barbizon, 20 ans. Ces deux azous endimanchés ressemblent à bien nous y pencher, aux grands-parents de nos petits-enfants. Regarde, nos regards ont rajeuni, si nos yeux sont toujours les mêmes. Et depuis le papier jauni, on a nos âmes en harmonie, on s'aime. On s'aime, on s'aide à bien porter les rides qui font la portée de la chanson du temps qui passe. On s'adore à corps et à cris, on se fait la gueule, on s'écrit des mots d'adieu que l'on entasse. On se reproche tour à tour l'ennui, le café bouillu, la bohème, un peu moins papillon de nuit, des mèches blanches à nos folies, on s'aime. Ma fille, ma femme, ma peau, mon âme, je serai qui, je serai quoi sans toi. Mon arbre, mon sang, mon marbre, la mort serait d'être amputé de toi. Je connais sur le bout du cœur tes gestes, tes mots et tes peurs, et cependant tu me surprends toujours. Moi Mon éternel inattendu, mon hirondelle, m'entends-tu de regretter quand tu t'absentes un jour? Je me souviens d'un journaliste idiot et d'un comédien d'Angoulême. Malgré les bas, malgré les beaux, malgré les fouettes dans le duo, on s'aime. On s'aime comme deux enfants à qui la terre le défend, qui la défie en s'adorant plus fort. On s'aime comme deux naufragés qui disent heureux de voyager avant de laisser faire la mer, la mort. C'est notre seule façon d'exister et jusqu'à nous survivre même. Tu verras, nous irons sculpter sur les murs de l'éternité. On s'aime. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc John Williams, les roses, pardon, la rose des sables. Jaillit sous l'acier qui gémit. Des hommes jouent avec un désert endormi. L'eau de la terre a coulé sur le sable doux. Et le mystère de leur noir sommeil en dessous. Une dune, un village s'est accroché. Morceau de lune avec un lyrique pour clocher. Fait glisser un refrain mouillé sur le Sahara, ce géant qui va s'éveiller. Un flot de rêve coule dans les yeux des marchands. Un flot de sel fait naître des bois et des champs. D'un vert splendide où les mets arrivent en courir. L'Atlantique, un soir de fable va cueillir. La rose des sables. Voici donc Mick Michel avec J'ai repris ma petite serviette. En arrivant à la gare, j'étais rempli d'illusions. Je venais chercher la gloire, avec mes chansons. Sur mon carnet de pocket, j'avais l'adresse et le nom des plus grandes des vedettes pour leur donner mes chansons. J'avais pris ma petite serviette, j'avais pris mon petit chapeau, j'avais pris mes chansonnettes et mon pipeau. Je venais pour faire la conquête de Paris et de la radio. Pour moi c'était jour de fête, qu'il faisait beau. Au premier nom de ma liste, je sentis battre mon cœur. En me lançant sur la piste, j'allais chez un éditeur. Oh monsieur aux tempes grises qui me dit, et vous pensez bien, pour nous aussi c'est la crise, on ne prend plus rien. J'ai repris ma petite serviette, j'ai repris mon petit chapeau, j'ai repris mes chansonnettes et mon pipeau. Ce n'était pas la conquête de Paris ni de la radio, c'était quand même jour de fête, il faisait beau. Madame est en Amérique, monsieur est un peu souffrant. Laissez-nous votre musique, revenez dans quelque temps. J'attendais des heures entières, assise au fond d'un couloir, en faisant une prière, sans jamais rien voir. J'ai repris ma petite serviette, j'ai repris mon petit chapeau, j'ai repris mes chansonnettes et mon pipeau. Je n'avais pas fait la conquête de Paris ni de la radio. Ce n'était plus jour de fête, il faisait moins beau. Au bout d'un mois de défaite, je rentrais à la maison. On a bien ri de ma tête, j'étais guérie des chansons. Là-dessus, les jours passèrent, je retrouvais mon entrain. Oh, j'oubliais mes petites misères, elles sautaient dans le train. Je reprenais ma petite serviette, je reprenais mon petit chapeau, je reprenais mes chansonnettes et mon pipeau. Et depuis lors, je m'entête, rien à faire pour m'arrêter un jour. Si je suis vedette, je m'en souviendrai. Voici donc Yes, c'est si, Florelle. Et moi, je suis l'artiste au nom de la terre, en sachant seulement, et rien que simplement, à quel point j'étais éphémère. En elle, tout ce que ce monde peut faire, dangereux, tu pourras faire tuer ton être. Ce petit oui étranger, et si tout plairé, qui paraît sans aucun danger, il ne faut pas s'épuiser, car on est stupéfié de voir tout ce qu'il peut signifier. C'est un mot tout petit, et par lequel on dit qu'on acquiert. Yes, yes. C'est un mot très gentil, qui l'entraîne à toutes les gentillesses. Yes. Devant le régisseur, sans amour et sans peur, je m'amène à pointeur. Et ça chante et pour rire que l'on va nous unir. Je dis yes, yes, yes. On retourne dans l'auto, votre main prend ma main, je la lève. Yes. Grimpant sous mon manteau, elle voyage et prend de l'ardillesse. Yes, yes. En me posant tout à coup, un long baiser sur le cou. Oh, vous me dites, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous va? Est-ce que je continue? Yes! À l'hôtel, on arrive, mon émotion est saine et plus vive. Oh, vous me dites, mon filou, nous voilà bien chez nous, mais je restais sur le qui-vive. Lui vous dit, cher petit compagne, voulez-vous boire un doigt de champagne? Je suis la grande faiblesse, rien que par politesse. Sur les minuit et demi, dans un charmant tissage de Paris, et flottis près de toi, tu me dis, prouve-moi ta tendresse. Yes. Un mari a le droit d'exiger, c'est la loi des caresses. Yes. Lui, tu me fais souvent, en les besoins du vent, et le reste de ton bas, ferait de moi bien dormir, croyant que c'était pour rire, j'ai dit yes. Lui, tu me dis, veux-tu que j'éteigne la lumière dans la fillette? Yes. Oh, que mon être vêtu, chauffons-nous bien, chérie, que je te paraisse. Yes. Et serré sans tes bras, doucement tu murmuras. Sois ma maîtresse, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te le prouver. Yes. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. I never get. que vous m'appelez. Jazz, voici salsa. Con soledad y actualidad, para que puedan gozar, baila Juana. spécial, un amour de FM. Émissions différentes. Voici donc pour ce soir, à partir tout simplement de 17h jusqu'à 19h avec Manu pour l'émission Découverte, et puis juste après, entre 19h jusqu'à 22h, l'émission Marika avec Albino. Et donc pour demain, nous serons déjà samedi à partir de 9h jusqu'à midi avec Christine pour l'émission Portion nos Corésiens. Et puis donc dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, vous allez retrouver l'émission de Carla. Et puis juste après, entre 16h jusqu'à 18h, ils sont deux avec Julien et Louis, avec Noche Falanca, entre 16h et 19h. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur.

tout ça pourtant je m'en souviens. Et avec lui souvent d'autres gamins poussaient la canzonette à l'occasion d'un bal ou un dimanche sans raison spéciale. Ça me rappelle un enfant qui chantait dans les ruelles d'une île enchantée, des ritournelles ou de tendresse. Ça me rappelle un enfant qui chantait pour le plaisir comme un oiseau d'été, pour quelques filles, pour sa famille, pour le bonheur tout simple de chanter. C'est ma faiblesse, c'est la richesse que m'a laissé un enfant qui chantait. Voilà donc après Tino Rossi, voici donc qu'il s'appelle André Claveau avec Le sourire de Maria. Voyage, le ciel sans nuages me parlait de mes amours. La route était blanche, à travers les branches, les oiseaux sifflaient bonjour. Et leur ritournelle disait qu'elle est belle, la grande route du retour. C'était bon tout ça, seulement voilà, si je suis heureux, ce qui est mieux. J'ai retrouvé le sourire de ma jolie Maria. Tout ce que j'aime et désire, c'est m'endormir entre ses bras. Et pour le reste, qu'importe, en revenant de là-bas, hier au seuil de ma porte, moi j'ai retrouvé Maria. Que l'on me pardonne lorsque je m'étonne en voyant un mécontent. Quand celle qui l'aime est restée la même et sourit en le voyant. Tant qu'elle veine, on oublie ses peines en s'aimant éperdument. Quand on est à deux, on se dit joyeux, la main dans la main, vive demain. J'ai retrouvé le sourire de ma jolie Maria. Tout ce que j'aime et désire, c'est m'endormir entre ses bras. Et pour le reste, qu'importe, puisqu'en revenant de là-bas, hier au seuil de ma porte, moi j'ai retrouvé Maria. De ma porte, moi j'ai retrouvé Maria. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc Carline, jamais. Après moi n'aura pour t'aimer plus d'amour que moi. L'amour n'aurait pas existé, je crois que pour toi seul je l'aurais inventé. Ici-bas, on a eu même n'aura pour toi plus d'amour que moi. Ce ne sont pas seulement des grands mots, comment faut-il t'aimer? J'ai parfois peur de t'aimer un peu trop, et d'autres fois pas assez. Personne avant moi n'aima plus que moi, et ni m'aime autant que je t'aime. Jamais, jamais, personne après moi n'aura pour t'aimer plus d'amour que moi. Mais toi, voudras-tu de moi? Jamais, jamais. Anthony. Et le titre ce soir, mon cœur est lourd. Ce soir, mon cœur est lourd. Dis-moi des mots d'amour. J'ai besoin d'oublier. J'ai besoin de caresses. Je ne veux plus. Ce soir, mon cœur est lourd. Dis-moi des mots d'amour que j'oublie sans retour. La misère et la haine que j'oublie pour toujours. Toute souffrance humaine que j'oublie jusqu'au jour. Qui n'ont pas d'amour. Dans le chant de la pluie, j'entends la litanie de ceux pour qui la vie n'est que peine infinie. Avec Amibert. À Marseille, quand s'éveillent les beaux jours de la belle saison, dans les barques, on s'embarque pour taquiner le poisson. Les girelles nous appellent comme des sirènes dans la mer, et l'on jette, quelle fête, l'hameçon dans les flots verts. À qui les doux le plaisir de la pêche, c'est le régal parfait des joyeux Marseillais. Les plus feignants pour pêcher se dépêchent, les plus blasés ne s'en lassent jamais. Quand ça pite, pite, pite, quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche, c'est le régal parfait des Marseillais. La tempête qui nous guette n'arrête pas les vrais pescadous. Si la vague fait des blagues, nous pâlissons et c'est tout. Mes peu chers, vers la terre, lorsque bredouilleux nous revenons, on s'arrête chez Millette qui nous vend du bon poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche, c'est le régal parfait des joyeux Marseillais. Le plus peignant pour pêcher se dépêche, plus blasé ne s'en lasse jamais. Quand ça pite, pite, pite, quand ça pite à la meçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais. Pite, pite, pite, quand ça pite à la meçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais. Voici donc, elle s'appelle tout simplement Josie Andrieux, toi, mon accordéon. Mon accordéon, pourquoi joues-tu si bien? Quand mon cœur a si mal, pourquoi suis-tu si bien? Mes doigts tout en frisson, mon cœur tout en chagrin, pleurant son dernier bal. Il était mon printemps, il était mon soleil, soleil, soleil, aux vagues de l'océan, ses yeux étaient pareils, tout pareil. Toi joues-tu si bien, toi mon accordéon, pourquoi joues-tu si bien, quand mon cœur a si mal. Chaque jour qui passait était un rêve en plus, son amour m'emportait sur des montagnes russes. J'étais entre ses bras comme un oiseau frileux, depuis qu'il n'est plus là, mon cœur est malheureux. Pourquoi joues-tu si bien, mon accordéon? Peut-être qu'il revient, tu connais son signe. Pourquoi joues-tu si bien ce refrain tu préfères? Sois-en si tu me tiens, tu joues avec mes nerfs. Peut-être qu'il m'entend, qu'il pense toujours passer, passer, passer. Je suis folle, je l'attends, amoureuse insensée, insensée. Pourquoi joues-tu si bien, toi, mon accordéon? Tu es le magicien d'un cœur sentimental. Pourquoi joues-tu si bien, toi, mon accordéon? Dis-moi, Jo, pourquoi tu ris sans rien dire comme les gosses? Jo, moi, je suis ton ami. Dis-moi, Jo, Yves Montand. Pourquoi tu ris? J'ai une chanson dans la gorge qui pianote et fait joujou. J'ai une chanson dans la gorge qui rigole un point, c'est tout. Dis-moi, Jo, pourquoi tu rêves l'œil au ciel comme un fada? Tu sais que je suis bon gars. Alors, Jo, hein? Pourquoi ça? J'ai une petite tache de lune dans mon œil fait joujou. Rien qu'une petite tache de lune, grosse comme une pièce de 20 sous. Dis-moi, Jo, pourquoi tu cherches quelque chose au creux de ta main? Tu vois, je te tends la perche. Pas vrai? Je suis un copain. j'ai un poil qui s'y amuse. Ça m'empêche de travailler. J'ai un poil qui s'y amuse. Et je voudrais pas l'embêter. Dis-moi, Jo, pourquoi tu chantes des mots que t'as inventés? Dis-le-moi, c'est pas que ça me tente, mais je suis un peu buté. J'ai une chanson dans la gorge, un coup de lune au fond des yeux, un petit poil comme un grain d'orge. Dans la main, c'est pas sérieux, j'ai 20 ans, envie de rire. Et puis je vais te le dire, j'ai surtout envie de chanter la la la la la la la la la la la la la la. Un amour de la femme. Pour le dimanche, donc à partir tout simplement de 8h jusqu'à 10h, vous allez retrouver l'émission Cantal Lugalo avec Antonio et Mathieu. Et puis juste après, entre 10h jusqu'à 12h30, le téléphone sonne avec Lionel, Katia et Jérôme. Donc c'est à vous de faire l'émission, donc de choisir les chansons que vous voulez écouter. Et puis donc suivi à partir de 13h30 jusqu'à 16h avec l'accordéon musette avec Nicolas. Voilà donc. Et bien donc pour le lundi matin, à partir de 7h jusqu'à 9h, vous allez retrouver l'émission de Funky au réveil. Et puis juste après, entre 9h et midi, voilà, avec Jean-Pierre pour l'émission Vers Matin. Voilà donc un petit bonjour à Florian. Voici donc un titre portugais. Et donc il y aura deux titres différents pour Florian. Se tu gostas do meu corpo e também do meu olhar, vem que eu vou te deixar louco. Ai meu amor, tu vais adorar. Se tu queres os meus beijinhos e ter muito mais de mim, vem que eu vou te dar miminhos, pois só contigo eu tô feliz. Vai, vai, vai, ai como eu quero esse teu amor. Pensares que eu sou tua, é teu meu coração. Se

Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Voici donc qui s'appelle Aïda Aznavour et le titre Tu me fais moi rien. Les lèvres se promènent et j'en ai le cœur à l'envers. Tu as des mots attendrissants et des paroles qui font mal. Tu as des gestes menaçants, mais d'autres qui m'emmènent au bal. Tu ne fais rien pour que je t'aime, et pourtant je ne suis plus moi-même. Aussitôt que je t'aperçois, tu ne sais rien de mes problèmes. Tu restes le même et je fais tout, moi, pour t'aimer comme ça. Tu ne fais rien pour me séduire, mais tu me regardes sans rien dire, et j'en ai le cœur à l'envers. Toi, tu n'as besoin de personne, ça ne te vient pas à l'idée. Tu es de ceux à qui l'on donne sans qu'ils aient même à demander. Tu ne fais rien pour me séduire, mais tu m'enveloppes d'un sourire et je suis dans tous les états. Tu ne fais rien pour que je t'aime, ça revient tout même et je fais tout, moi, pour t'aimer comme ça. Tu ne fais rien pour me comprendre, mais le soir tu restes dans ma chambre et je m'endors entre tes bras. Alors tu dis dans ton sommeil ce que tu me caches le jour. Sur ton cœur je mets mon oreille et je l'entends parler d'amour, de notre amour qui vient au monde comme un blé qui lève, un blé qui monte et que l'on voit fleurir des gens. Envie de rire et de crier, envie de rire et de pleurer, de joie. Tu ne fais rien pour que je t'aime et je fais tout, moi, pour t'aimer comme ça. C'est du tonnerre de posséder un ange comme ça. C'est du tonnerre de pouvoir dire qu'elle est à moi. Avec ses yeux qui en disent long, son teint doré, ses cheveux blonds et sa fossette qui fait risette sur son menton. C'est pas du vent, c'est du réel, et croyez-moi, Vénus elle-même, à côté d'elle, n'existe pas. Imaginez un corps de fée avec une âme d'enfant gâté. C'est du tonnerre de posséder un ange comme ça. C'est du tonnerre de posséder un ange comme ça. J'ai dit un ange, mais sincèrement, c'est bien mieux que ça. Moi, je suis violent, je suis jaloux, et par moments, je casserai tout. Quand on la regarde, quand elle s'attarde, je suis comme un fou. Et dans mes bras, elle se blottit comme un bambin. Elle me sourit, mais dans ses yeux, il y a du chagrin. Je suis un démon, elle est un ange, et c'est pour ça que tout s'arrange. C'est du tonnerre de posséder un ange comme ça. Je

il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours, pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux, ils sont mille et l'on est deux. Sonner des nuits moins difficiles, et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville, c'est promis, c'est écrit. Nous, les amoureux, le soleil brille pour nous, et l'on dort sur les genoux du bon Dieu. Nous, les amoureux, il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Les mal-aimés, il faudra bien nous acquitter, vous qui n'avez jamais été condamnés. Nous, les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous. La FM en couleur. Voilà donc cette chanson-là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement. Ainsi, on se retrouve donc dimanche à partir de 13h30 avec l'accordéon Musette. Donc voici donc Phil Burnet avec Un enfant de toi. Voilà, donc eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Il faisait froid, j'avais rendez-vous au studio, et tout en soufflant sur mes doigts, je disais le petit sera un verso. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais, le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais, qu'il ait ton sourire, ton regard. Avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main. Puis on m'a téléphoné, et moi bien sûr j'ai tout quitté. Les cœurs, les cuivres et la rythmique, je devenais papa, c'était magique. Puis le taxi m'a déposé devant la porte de la clinique, et comme un fou je suis monté. Garçon, fils, c'était critique. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Il est ton sourire, ton regard, quand tu te lèves le matin. Avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main. Un paquet d'ange dans lequel petit homme dormait. Puis on m'a dit d'une voix étrange que c'était tout ce qui me restait. Le monde était très gentil et moi je ne comprenais pas que dans son cœur il y avait la vie et dans le tien il faisait froid. Avoir un seul enfant.

Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent ici la haine. On m'avait dit, petit gars, là-bas, on t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans te jeter dans l'arène. Comme ici, tout petit, après 9 mois à peine, te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer. Rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là-bas trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux. Rien que les autres remplissaient tous mes voeux. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Aussi belle que nature me prit par la main et me dit suis cette aventure. On disait même oui que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin. Ses bouclettes dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. Wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Qui n'ont pas de limites comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton, des fleurs voler caressant l'horizon. J'ai vu des arbres pousser en plein sans les gratte-ciel. J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. La FM en couleur. Écoutez ma chanson comme elle est jolie à cause d'elle. Écoutez le sucré de la mélodie, ça vient d'elle. La chanter, c'est dans mes deux bras l'enlacer et rester. Comprenez, pour la vie, puisque notre vie doit passer. Écoutez ma chanson comme elle est jolie à cause d'elle. Écoutez le sucré de la mélodie, ça vient d'elle. Ma main dans ses cheveux qui vous enchante. Écoutez sa bouche avec les baisers que je vous chante. Savez-vous que ma chanson est aussi le rendez-vous de ma joue, avec sa joue qui me fait un effet doux. Écoutez, c'est ma main dans ses cheveux qui vous enchante. Écoutez sa bouche avec les baisers que je vous chante. Comprenez dans les violons, les violoncelles, qu'elle s'éloigne et qu'une mélancolie nous accompagne. Quand elle part, on n'entend plus ni la voix ni la guitare. Et après, il n'y a plus que le silence et le regret. Se regarde et se repère. Et moi-même, en chantant cet air, je ne suis plus le même. Ça fait comme si j'étais redevenu un beau jeune homme. Dans mon air, il y a les miroirs que sont leurs yeux clairs, où les hommes se regardent et se repèrent. Disparue, passant la veille sur la troisième chaîne. Elle avait écrit au correcteur sur sa trousse en dents Carpe diem. Je me souviens de celle qui m'avait fait changer de place et apprendre l'humilité, qui à l'élection des délégués de classe aurait fait l'unanimité. Mais c'était la nouvelle qui débarque au beau milieu de l'année scolaire. Fatale, parce que ses parents ont dû déménager, quitter leur Finistère natal. Elle s'appelait Marie, Martine, Isabelle ou Solange, avec un drôle d'accent, des expressions étranges. La fille qui venait de loin, on ne peut plus exotique, avait sur la troisième cinq semé la panique. C'est un amour de collège, un fantôme du passé, qui vous revient au petit-déj, une icône du lycée. Le temps fait des siennes et reprend ce qu'il sème. Carpe diem. Avec mon cœur d'artichaut et mes comédons sur le front, j'essayais tant bien que mal de la jouer sentimentale, les hormones en ébullition. Je me revois en sueur sous mon anorak, à l'aise comme un poisson dans l'air, lorsque je déclamais tel Cyrano vert de trac. Tu peux me prêter ton blanc s'il te plaît? Alors je m'étais lancé, je l'avais invité dans le meilleur quick de la région, à boire en grand seigneur un milkshake à la banane dans des grands verres en carton. Sur le disque du grand bleu, la série dans mes bras, c'est l'ultime de la boum. Sophie Marceau et moi, la divine bretonne, Vénus t'es absolue, avait sur ma personne jeté son dévolu. C'est un amour de collège, un fantôme du passé, qui vaut bientôt petit déj, une icône du lycée. Le temps fait des siennes et reprend ce qu'il sème. Carpe diem. Combien de fois je m'étais fait ce film, projetant au plafond ma vie en l'an 2000. Je me vois bien designer ou alors musicien. Elle serait avocate et puis aussi mannequin, dans une vaste maison vitrée au bord de l'eau, avec un grand bouvier bernois un peu pâteau, des enfants à boucle d'or qui courent dans le jardin, un genre de famille Ingalls mais en moins américain. Qui vous revient au petit-déj, une icône du lycée. un amour de collège, un fantôme du passé. Tu reviens au petit déj, une icône du lycée. Le temps fait des ciels et reprend ceux qui s'aiment. Carpe diem. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. C'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai l'analyse un peu morose. Excusez du dérangement. Mets vos petits plats dans l'écran. L'effet escompté, j'ai plutôt la nausée. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il y a juste des jours où ça passe pas, une barrière de rejet. Tu fais que j'ai l'appétit coupé. Vous posez trop de questions, pour moi c'est pas bon. Votre monde ne me fait pas peur. Et comme dirait l'eau, n'avons pas les mêmes valeurs. Que dire de plus, à part que c'est chacun son truc. Chacun son truc. Chacun, chacun son truc. Mmh, yeah. Yeah. Je préfère rester dans la panade que de goûter à vos salades. J'ai mauvaise conscience devant ces porcelaines et ces faïences. Je suis comme un cheveu sur la soupe qu'on examine à la loupe. Je vais frôler l'indigestion devant tellement de dévotion. Vous vous mettez en garde. C'est décidé, je m'en vais pour de bon. N'essayez pas de me retrouver. Moi c'est terminé. Votre monde ne me fait pas peur. Et comme dirait l'autre, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Que dire de plus, à part que c'est chacun son truc. Chacun son truc. Chacun, chacun son truc. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Décidé, je m'en vais pour de bon. N'essayez pas de me retrouver. Votre monde ne me fait pas peur. Me fait pas Et comme peur. Dirait l'autre, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et que dire de plus, à part que c'est chacun son truc. Chacun, chacun son truc. Chacun, chacun son truc. Votre monde. Comme le dernier. jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Combien tout est éphémère. Alors même mon amour, j'aimerais chaque haine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient loin. Seulement vous saviez. Miel, 96.2. La FM en couleur. Petite fille, je sais pourquoi tu pleures tous les jours. Tu es en train d'apprendre qu'en amour, ce que l'on veut avoir, on ne l'a pas toujours. Petite fille, celui que tu attends ne viendra pas. Tu ne vois plus personne, tu restes chez toi. Tu crois qu'au monde il n'y a que ce garçon-là. Mais moi, je t'aime, et tu ne la vois pas. Oui, moi, je t'aime, et tu ne le sais pas. Petite fille, pour toi le ciel a perdu ses couleurs. Tu ne vois plus les arbres ni les fleurs. Tu ne sens pas ce qui se passe dans mon cœur. Petite fille, j'attends le jour où tu auras compris que pour toi je suis encore bien plus qu'un ami. S'il le fallait pour toi, je te donnerais ma vie. Mais moi, je t'aime, et tu ne le vois pas. Oui, moi, je t'aime, et tu ne le sais pas. Petite fille, je t'aime, petite fille, oh, petite fille, je t'aime. Toi, si tu me suis, partir au bout de la terre et chaque nuit changer de lit. 10 choses que je voudrais faire qui me viennent cette nuit. En cherchant sous ton pull à vert ce bruit sourd qui rythme ma vie, qui rythme ma vie. 10 choses que je voudrais faire. Chose que je devrais taire, même si c'est dans tes yeux bleu nuit, qui balance comme des éclairs dans le noir quand tu me souris. 10 choses que je voudrais faire et qui me viennent cette nuit, en cherchant sous ton pull à vert ce bruit sourd qui rythme ma vie, qui rythme ma vie. 10 choses que je devrais faire. Je me suis dit choses que je devrais taire. Dix choses que je devrais taire alors même où le ciel rougit. Quelques secondes à la manière des amants qui en ont trop dit. Dix choses que je voudrais faire avec toi si tu me suis. De lever notre verre au hasard qui nous réunit, qui nous réunit. 10 choses que je voudrais faire si tu me suis. 10 choses que je devrais taire. Chose que je voudrais faire avec toi si tu me suis. Partir au bout de la terre et chaque nuit changer de lit. 10 choses. ce que je voudrais faire et qui me viennent cette nuit. En cherchant sous ton pull vert ce bruit sourd qui rythme ma vie. Dix choses que je voudrais faire. Si tu me suis, dix choses que je devrais faire. Je les aime. 96.2. La FM en couleur. Je suis fort de ma mélancolie. J'ai le cœur en automne. Besoin de personne, simplement l'envie, l'envie qu'on m'oublie. Le cœur en automne, envie de personne, en flagrant délit de mélancolie. De França, Orleans, para todo o mundo, em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. C'est toi qui brilles, la pluie s'en va, le monde en rit, toujours pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Ce matin, chaque chose me pèse, le moindre détail devient casse-pied. Je passe encore à côté d'une belle journée, alors je pense à toi. Quand rien ne va, je pense à toi. C'est mon soleil, plus jamais froid. Le monde est gris, il ne sourit pas. Mon truc à moi, je pense à toi. The sky looks gray, you make my day. The thought of you, clouds move away. The world's morning, not happy today. I think of you, you make my day. J'ai des jours où les questions m'arrosent. La nuit tombe et j'en suis toujours là. Je pense à toi et les fleurs reprennent leur couleur. Je n'ai pense à toi, t'es mon soleil, plus jamais froid. Le monde est gris, il ne sourit pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Quand tout est trouble, il me déçoit. C'est toi qui brille, la pluie s'en va. Le monde en rit, toujours pas. Mon truc à moi, je pense à toi.

l'essentiel, ce choix. Après toi, oublie toutes ces nuits. Mon ciel est gris, je compte les gouttes. Je ne pas dans tous ces états. Viens dans mes bras, ma chérie. Arrête de faire du mal, je t'en prie. Quoi? Cesse de péter les plombs et débloquer à chaque fois que le téléphone chiale. Un jour tu regretteras tout ça. J'attache aucune importance à toutes ces folles qui braillent. Tu pleureras en pensant à moi. Pour s'arracher mon corps alors que mon cœur affiche complet. L'amour, c'est pas ça. Ok, continue à parler toute seule, moi je m'arrache. Ciao bébé. Aucun sens, je me sens trop seul, tu sais. Depuis que tu m'as quitté, je me fais une fixette sur ton décès. Je suis sûr que si j'avais été là ce soir-là, à tes côtés, tu serais encore en vie. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'étais censé te protéger pour le restant de ta vie. Maintenant, c'est moi qui pleure, mes larmes et mes cris transpercent les portes du paradis. Oh mon Dieu, mon vœu le plus cher serait de la revoir, de la chérir juste une dernière fois. Combien de fois j'ai songé à te rejoindre, bébé? Combien de fois je me suis réveillé au milieu de la nuit pour sombrer dans le désespoir? Si tu veux savoir mon plus grand regret, c'est pas t'avoir dit assez à quel point je t'aimais. Alors écoute-moi une dernière fois avant que je m'éteigne. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. En fin de compte, je suis peut-être un démon, mais mon âme s'est purifiée le jour où t'as pris ton envol vers l'horizon. J'ai le cœur dévalisé, je suis naufragé, j'ai perdu ma route, je parviens même pas à réaliser, paralysé, j'ai perdu ma route, quand tout fait mal, comment se racheter? Dis-moi la douceur, combien ça coûte? On ne comprend pas comme un étranger, je peux plus bouger, j'ai perdu ma route, dis-moi, dis-moi. Quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève, sur quel ciel pourrait-on s'aimer? Tu vois, tu vois, le cœur de grand brûlé se taise. Y a-t-il un mot qui nous apaise? Et ce mot si tu le connais. Déjà rouillé, j'ai perdu ma chance. J'arrive plus vraiment à me débrouiller. J'ai dérouillé, j'ai perdu ma chance. Il me reste un espoir dans tes yeux. Mon espoir à moi est bien trop vieux. Le temps finit par tout éprouver. J'ai pas trouvé, j'ai perdu ma chance. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève, sur quel ciel pourrait-on s'aimer? Tu vois, au cœur de grand brûlé se taise. Y a-t-il un mot qui nous apaise? Et ce mot si tu le connais. C'était fait que pour chanter. Et puis t'as pris ma main et tu m'as réparé. Je ne croyais plus vraiment en l'amour. Et puis un jour

et ils ont changé ma chanson. Et ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire. Et c'est pas bon, moi. Et ils ont changé ma chanson. Look what they done to my brain, man. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, man. Look what they done to my son. Ils ont tradé ma chanson, ils ont trahi ma chanson. Ce n'était rien qu'une chanson, mais c'était ma chanson. Ils ont changé ma chanson. La FM en couleur.